professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Pourquoi le Dictatus Papae de Grégoire VII représente un moment fondateur en 1075, un tournant dans l'histoire de l'État moderne? Comment la culture juridique de Common Law est-elle celle qui a le plus de traits communs avec la Rome antique? Comment l'autonomisation de la sphère juridique s'est-elle transmise aux premiers États séculiers nés de la Révolution grégorienne? Nous poursuivons aujourd'hui l'examen de l'essence de la loi dans la tradition juridique occidentale dans le cadre du cours qu'Alain Supiot consacre au passage du gouvernement des lois à la gouvernance par les nombres. Dans sa présentation pour le Collège de France, Alain Supiot, titulaire de la chaire État social et mondialisation, rappelle pourquoi il faut situer la notion de gouvernement, l'histoire du droit, ce qu'il appelle le gouvernement par les lois, qui va nous occuper toute cette semaine, dans la longue durée, de la matrice juridique romaine de notre culture à la division des empires romains d'Orient et d'Occident. Le juriste souligne combien on méconnaît l'importance décisive de cette division dans l'histoire juridique. Nous allons découvrir comment la révolution grégorienne a fait naître une nouvelle conception de l'ordre juridique marquée par la distinction du pouvoir temporel et de l'autorité spirituelle. Droit et théologie sont séparés et cela a ouvert, et cela peut être non sans paradoxe, la voie à la reconnaissance corrélative d'un pouvoir temporel et à la naissance de l'État moderne. Dès lors, le droit s'est affirmé comme une technique placée entre les mains d'experts qui n'ont pas besoin de s'interroger sur les raisons de la loi, nous explique Alain Supiot. Poursuivant son histoire de l'évolution des institutions, le juriste voit dans le droit dit continental et la common law deux rameaux de la culture juridique occidentale ainsi définie, malgré les spécificités de chacun qui ont pu être accentuées de part et d'autre. Bien que rivaux, droit continental et common law sont tous deux confrontés depuis l'entreprise coloniale à des montages institutionnels différents avec lesquels ils ont été et demeurent plus que jamais obligés de composer dans le contexte de la mondialisation. Ces différentes évolutions nous amènent à interroger à partir du XIXe siècle la notion d'état de droit qui est née de l'articulation de la loi et du droit. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France pour le cours d'Alain Supiot, l'essence de la loi dans la tradition juridique occidentale, le 12 janvier 2013. Alors, nous commençons sous l'égide du pape Grégoire, que j'avais évoqué en terminant lors du dernier cours, Grégoire VII, et son Dictatus Papae, qui représente un moment fondamental, un tournant dans l'histoire du gouvernement par les lois. Et dans ce document, il proclame toute une série de choses sur lesquelles nous reviendrons, mais nous pouvons en citer cinq. Premièrement, la source divine de l'autorité de l'Église et du pontife. Deuxièmement, la suprématie pontificale sur l'Église entière. Troisièmement, le pouvoir législatif du pontife en tant que source vivante des lois, c'est ce qui est au point 7 et 17 du Dictatus. Quatrièmement, son pouvoir judiciaire suprême, c'est ce qu'on appelle le droit du dernier mot, qui est réitéré au point, aux articles 18, 19, 20, 21 et 22 du Dictatus. Sixièmement, son indépendance à l'égard du pouvoir temporel, c'est les articles 12, 19 et 20. Et enfin, la supériorité de son autorité, c'est les articles 6, 8, 9, 12, 18, 22, 27. Il y a un effet paradoxal de cette affirmation par le pape de son autorité exclusive sur l'Église. Alors on voit généralement dans ce document, les juristes voient, la naissance du concept d'État. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'affirmant ainsi son autorité exclusive sur l'Église, il le fait sur la base d'une distinction du pouvoir temporel et de l'autorité spirituelle. Car en affirmant son pouvoir souverain sur l'administration de l'Église et sur la vie spirituelle du peuple chrétien, Grégoire VII sortait de l'intrication antérieure du spirituel et du temporel et ouvrait la voie à la reconnaissance corrélative d'un pouvoir temporel et à l'avènement de l'État moderne. Alors, cela ne veut pas dire que le Vatican, que la papauté, aurait été elle-même, que le Saint-Siège aurait été lui-même le premier État occidental moderne. Cela pour au moins deux raisons. La première, c'est que son autorité n'est pas cantonnée à un territoire déterminé. Vous voyez qu'il est dit universel. Donc, de ce point de vue, l'Église n'a pas de territoire, ce qui va la distinguer, évidemment, des États modernes. Et d'autre part, deuxième différence, c'est que l'autorité affirmée par le pape est bornée à ce qui touche le salut des enfants de Dieu, des chrétiens, ce qu'on n'appelait pas encore la société, et donc, à l'origine, le statut personnel, le statut des personnes, autrement dit, à une partie seulement de la vie humaine, et tout le reste est abandonné à des pouvoirs séculiers. Et d'ailleurs, c'est un des éléments paradoxaux de cette affirmation du pape, c'est qu'en même temps qu'il affirme sa souveraineté sur l'Église, il laisse vacant l'espace pour ce qui vont devenir justement les États modernes. Donc, s'il serait inexact de voir dans le Saint-Siège le premier État moderne, ce qui est vrai et capital pour l'histoire de nos institutions, c'est que ces pouvoirs séculiers ont repris à leur compte le modèle de gouvernement dont Grégoire VII avait posé les bases. Ce modèle est celui d'un souverain, juge et législateur dont le pouvoir s'impose à tous et transcende la succession des générations. Alors, ainsi que l'a montré dans un ouvrage récent Thomas Berns, qui est un philosophe politique belge qui a fait des recherches sur l'œuvre de Bodin. Vous savez que Bodin va être le théoricien de la souveraineté, dans le cas, en tout cas pour l'Europe continentale. C'est chez Bodin la fonction législatrice qui va progressivement devenir la marque distinctive de ce pouvoir souverain. Et si vous prenez la déclaration du pape, vous voyez que ces marques de sa souveraineté sont nombreuses. Il y a les insignes, il y a le droit de nommer, d'excommunier, et la possibilité, d'établir de nouvelles lois, ou bien l'affirmation selon laquelle aucun texte canonique n'existe en dehors de l'autorité du pape, ne sont que des marques parmi d'autres de ce qui fait la souveraineté du pontife. Ce que souligne à juste titre Thomas Berns, c'est que dans la construction de l'État moderne, l'État moderne, en tout cas sur le versant Europe continentale, nous reviendrons tout à l'heure sur le cas de la Common Law, cette fonction législative va devenir la fonction essentielle et elle va supplanter ces autres marques traditionnelles de la royauté qui étaient le droit de nommer des magistrats, de déclarer la guerre ou de conclure la paix, de juger en dernier ressort ou de faire grâce, le droit de grâce qui demeure d'ailleurs. Donc, dans la période médiévale qui précède cette transposition du modèle pontifical, toutes ces marques s'équivalent. Et avec l'État moderne, au contraire, la loi va devenir l'élément distinctif, constitutif de ce que va être l'État et donc le gouvernement par les lois. Alors, je souligne ce point parce qu'il faut le noter, c'est, me semble-t-il, important. Ce n'est donc pas parce que la volonté du gouvernant est souveraine qu'elle est source de la loi dans ce modèle. C'est au contraire parce qu'elle est source de la loi que sa volonté est souveraine. C'est la faculté de dire la loi qui fait la souveraineté. Donc toutes les lectures contemporaines, notamment, qui ont voulu voir dans la loi la seule manifestation d'un instrument, d'un pouvoir qui serait souverain en lui-même, indépendamment de toute référence à la loi, sont, de ce point de vue, dans l'erreur. C'est la raison pour laquelle le souverain ne peut violer la loi sans disqualifier par là même sa souveraineté. Il y a quelqu'un qui a mis ça en musique, c'est Mozart, dans un opéra connu de tous, je suppose, l'enlèvement au sérail. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais c'est l'histoire de la belle Constance, qui est désirée ardemment par le pacha Selim Bassa. Elle est à sa merci, il pourrait s'en emparer, la forcer, mais non, il ne peut le faire, car s'il le faisait, eh bien, il ruinerait par là même sa position institutionnelle. Cet opéra a été étudié sous cet angle par Clemens Pornschlegel dans une contribution particulièrement inspirante. Alors, l'articulation de la loi et du droit que nous avons déjà rencontrée dans le cas de la Lex romaine a ainsi été réemployée à partir de la Révolution grégorienne pour donner naissance à ce que nous appelons aujourd'hui l'état de droit, cette situation où le gouvernant ne peut violer la loi sans se ruiner lui-même, sans se disqualifier lui-même. Depuis deux siècles, ce montage institutionnel a été exporté sous les bannières successives de la colonisation, de la mission civilisatrice de l'Occident, du développement ou de la globalisation. Mais la première occurrence historique d'une telle exportation intervint donc aussitôt après ce coup du droit, si je puis dire, de Grégoire VII, lorsque les juristes au service de pouvoirs temporels reprirent à leur compte le modèle de gouvernement qu'il avait inventé. Et c'est ainsi que naquirent les premiers États modernes, à commencer par ordre chronologique, par l'Angleterre et la France. Alors, cette histoire est bien connue, je n'ai pas l'intention d'y revenir, mais il faut souligner ici cette communauté d'origine des deux grandes cultures juridiques qui allait s'épanouir en Europe, celle de la common law et celle du droit continental. En effet, souvent, on décrit le droit d'Europe continentale comme le droit romano-germanique ou romano-canonique par opposition à la common law qui serait autre chose. En réalité, contrairement aux idées reçues, la culture de common law est la réplique la plus fidèle de celle de la Rome antique. Alors, bon, je suppose que vous connaissez l'histoire, donc je vais pouvoir être bref, mais c'est là, les Anglo-Saxons furent envahis par les Normands, comme vous savez. Et les princes normands s'installent en Angleterre et ils conservent et transportent leurs propres lois, et d'où la coexistence d'une part d'un droit coutumier, celui qui précédait la conquête, et d'autre part du droit importé par le conquérant et mis en œuvre dans sa cour de justice, la Curia Regis. Et les successeurs de Guillaume le Conquérant, tout spécialement Henri II, qui vit de 1133 à 1189, ont doté l'Angleterre d'institutions juridiques qui ont été largement inspirées des innovations grégoriennes. Donc le lien entre la réforme grégorienne et le common law, vous allez le voir, est très facile à mettre en évidence. Et l'assimilation du roi d'Angleterre au pape est par exemple explicite dans l'œuvre d'un grand juriste britannique, Bracton. Donc Bracton désigne le roi comme le vicaire du Christ, soumis à personne sauf à Dieu, et affirme qu'aussi longtemps qu'il fait justice, il est le vicaire du roi éternel. Donc vous trouvez dans cette citation les mêmes distinctions, les mêmes traits caractéristiques du gouvernement que ceux que nous avons trouvés dans le Dictatus Papae de Grégoire VII, et avec cette idée que le roi veut lui-même se trouver sous l'empire de la loi de façon à pouvoir sauver ceux qui vivent sous cette loi. Donc vous avez là l'idée qui va devenir ce qu'on appelle dans le vocabulaire courant aujourd'hui l'idée d'état de droit. Et contrairement à ce qui est advenu en France, c'est sur la fonction de juger qu'a d'abord été fondé en Angleterre le pouvoir central du monarque. Pour la raison suivante, sa cour, la cour royale normande, où d'ailleurs c'était la French Law, où on travaillait en français dans cette cour, était prestigieuse, efficace, elle était proche du pouvoir central. Donc le problème, c'était d'arriver à faire porter ses affaires devant cette cour. Et cet accès à la cour du roi était limité et a été limité par un système d'actions en tout point comparable aux actiones romaines que nous avons étudiées la dernière fois. C'est-à-dire qu'il fallait avoir la clé d'entrée à la cour du roi. Elle ne pouvait être saisie que moyennant l'obtention d'une ordonnance qui était délivrée par le chancelier du roi, qui s'appelait un writ ou un bref, du latin breve, qui était donc une formule qui vous conférait le droit d'agir, c'est-à-dire l'actio du droit romain. Ou bien, c'est une forme qui a été développée ultérieurement, par une autorisation délivrée par le juge lui-même, c'est ce qu'on a appelé les actions on the case. Chaque type d'action correspondait à un type précis de cas et obéissait à des conditions de forme, les forms of actions, qui déterminaient la procédure à suivre. Là, on retrouve ici ce que nous avons rencontré à propos de Rome. Il y a des mots à employer, des modes de preuve et de comparution qui diffèrent selon les types d'actions, des modes de jugement qui également vont différer selon ces types. Et ainsi que l'exprime l'adage « remedies precede rights », on ne peut donc faire valoir son droit que si une action déterminée correspond au cas d'espèce. Comme dans le cas romain, l'évolution du droit a donc pendant très longtemps dépendu de la reconnaissance de nouveaux cas ouvrant une action qui étaient des sortes de bourgeons greffés sur ceux antérieurement reconnus. Et la règle selon laquelle une seule form of action correspond à un cas est restée en vigueur jusqu'en 1854. Donc vous voyez, tout ce qui rapproche ici cette manière de la common law du vrai droit romain historique. Avec une nuance toutefois que je vous demande de garder en mémoire, c'est que nous avons vu dans le cas des formulae romaines une intrication totale de la forme et du fond, dans le sens où ces formules peuvent être lues, comprises, comme une ombre portée des anciens rituels, et dans un rituel, il n'y a pas distinction de la forme et dans le fond, et le fond. Si une certaine danse rituelle doit être faite, cette danse, dans le même temps, exprime une forme et un fond. Or, avec la règle « remedies precede rights », nous voyons apparaître au contraire l'idée d'une forme qui sera capable de gérer et de digérer n'importe quel contenu. Alors ça, c'est très important dans l'histoire des technologies normatives parce que c'est voué à devenir les algorithmes sur lesquels nous reviendrons, qui sont eux-mêmes des formes vides de sens, mais capables de traiter n'importe quel sens. C'est ce qui fait toute la puissance de la technique juridique. Alors, dans ce système à base judiciaire, la loi est d'abord identifiée à l'autorité des précédents, dont la motivation, ce qu'on appelle en latin la ratio decidendi, s'impose au juge qui est saisi d'un nouveau cas, contrairement à ce qu'on appelle les considérations qui sont dites obiter dictum, donc ce sont des propos accessoires, mais qui ne vont pas avoir une portée normative. Donc, comme celui du prêteur romain, le pouvoir créateur du juge de common law suppose d'admettre des distinctions nouvelles qui permettent d'identifier la nouveauté d'un cas et d'en déduire une nouvelle règle. Et dans un tel système, la loi, c'est d'abord ce qu'on appelle le case law et que nous appelons la jurisprudence, qui est censée exprimer la prudence et la sagesse immémoriale des juges. Alors le souverain, qu'il s'agisse du monarque ou du peuple représenté par le Parlement, peut bien sûr aussi faire la loi dans un tel système, et cette loi s'impose au juge. Mais ces derniers passent cette statute law au filtre de la common law, ou plutôt l'y incorporent et la digèrent, obligeant le législateur à se faire lui-même casuiste s'il ne veut pas voir sa volonté détournée ou contournée. C'est ce qui explique le style, à ce que nous trouvons assez lourdeau, enfin bavard, des statute law anglaises. Et c'est ce qui fait qu'en revanche, les Britanniques considèrent avec un œil dubitatif nos principes généraux, où nous pensons résumer la force dans un principe, dans une formule extrêmement brève, car le législateur n'a pas chez nous ce problème d'essayer de prévoir la manière dont son texte va être progressivement déstructuré par les juges. Alors ces spécificités ont été et demeurent, alors ce sont des spécificités réelles, mais elles ont souvent été très exagérées des deux côtés de la Manche en raison d'un nationalisme ancestral qui peine à reconnaître tout ce qui unit malgré tout ces deux versants de la tradition juridique occidentale et lui donne son visage propre face au système normatif des autres cultures. Alors, comme je n'ai ni le temps ni l'intention de vous entraîner trop avant dans la présentation de la culture de common law, je vais m'en tenir à deux remarques qui permettent de relativiser la spécificité toute relative du concept de law par rapport à notre notion de loi. La première remarque concerne le recours à la notion d'equity, qui fait écho d'ailleurs à la notion romaine d'aequum, à laquelle les prêteurs romains faisaient appel pour pallier les rigidités des formules du jus et éviter que l'observance mécanique de ces formules ne débouche sur une injustice, selon une formule bien connue qui semble être due à Cicéron, du summum jus, summa injurias, c'est-à-dire plus on observe le droit, plus on devient injuste. Et c'est bien le rôle qu'a joué le recours à l'equity pour faire face à la sclérose des cours de Westminster et aux injustices auxquelles elle conduisait. C'est-à-dire la rigidité des formes d'action faisait que dans un certain nombre de cas, il y avait un déni de justice éclatant. Dans ce cas-là, eh bien, les justiciables allaient se plaindre auprès de qui ? Auprès du chancelier, auprès du monarque qui faisait traiter ces questions par son chancelier qui était aussi son confesseur, un point important, et il était dit le gardien de la conscience du roi. Donc dans ce cas-là, on disait, écoute roi, l'application mécanique des lois conduit à l'injustice, je fais appel à ta conscience, il faut que tu tranches l'affaire en equity. Alors equity, il ne faut pas traduire ça par équité au sens français, parce que l'on va à des contresens. Si vous voulez, si je m'autorise ici une comparaison très audacieuse et un anachronisme, on pourrait dire qu'au départ, c'est un petit peu comme le Conseil d'analyse économique auprès du président de la République. On dit, bon, bien sûr, il y a un Parlement, il y a des instances qui font la loi, et puis il y a une instance qui vous met en contact direct avec les vraies lois. C'est votre confesseur. Et donc, qui va vous permettre d'harmoniser les décisions du gouvernement avec un ordre normatif différent de cet ordre imparfait des règles positives. C'était ça, au départ, l'idée d'equity. Mais avec le succès de cette voie, ça s'est professionnalisé. Le chancelier a dû organiser sa propre juridiction pour traiter tous ces cas qui lui arrivaient au sein d'une Court of Chancery. Et s'est ainsi développée une nouvelle branche du droit anglais à compter du XVe siècle, l'equity à côté de la common law. D'ailleurs, les étudiants en droit en Angleterre apprennent pas le droit public et le droit privé, c'est pas ça l'opposition fondamentale pour eux, c'est plutôt equity et common law. Et le système britannique aurait pu ainsi dériver vers le modèle juridique continental et à l'affirmation de la souveraineté du droit face à l'autorité du Parlement. C'est-à-dire que l'Angleterre aurait pu devenir une monarchie absolue du type de ce qui s'est passé en France. Mais en fait, il n'en a rien été, et c'est au contraire la common law qui a finalement absorbé l'equity au XVIIe siècle comme une sorte d'antidote à ses propres insuffisances. Déjà, Hobbes, que nous avons cité, notait dans l'introduction de son Léviathan que l'équité et les lois sont une raison et une volonté artificielle. Donc déjà chez Hobbes, Il met équité et loi sur le même plan, marquant ainsi à la fois leur différence et leur complémentarité. Au fond, si on se demande qu'est-ce qui remplit cette fonction dans l'ordre juridique, hormis ma plaisanterie sur le Conseil d'analyse économique, eh bien, on pourrait dire que l'equity joue dans la common law un rôle comparable à celui de nos principes généraux du droit, qui permettent au juge continental d'interpréter une règle technique à la lumière d'un principe qui le transcende et permet d'en corriger les effets injustes. L'idée de principe, en revanche, pour un juriste de common law, est quelque chose d'extrêmement... dont il faut se méfier. Vous savez, quand on lit les décisions de justice, c'est très, très parlant. On prenait un arrêt de la Cour de cassation du Conseil d'État, ça commence « vu la loi », donc vous partez du, on part de la hauteur, et puis alors on va s'intéresser aux faits le plus rapidement possible, le moins possible, et puis on applique, on va avoir la motivation. Un cas anglais, ça commence « Monsieur Smith, ce matin-là, était parti un peu plus tard que d'habitude, il a buté sur une pierre », ça nous fait penser au cas de Monsieur Brown, qui a été jugé en 1854, etc. Mais il y a peut-être une différence. Et on monte progressivement vers la norme. Donc il y a des techniques d'interprétation qui sont indiscutablement différentes. Mais ce que je retiendrai plutôt de cette complémentarité entre common law et equity, ou entre articles des codes et principes généraux, à la lumière desquels on les interprète, c'est que la loi ne peut durablement se couper de toute considération de justice. On peut même dire que le critère de son efficacité, en tant que technique, et de satisfaire les critères de justice qui animent une société donnée à une époque donnée. Et ceux qui prétendent le contraire sont obligés d'en retenir une définition dogmatique qui correspond à l'imaginaire mécaniciste occidental, mais au fond à aucune expérience historique durable. Collège de France et France Culture vous présente Alain Supiot, l'essence de la loi dans la tradition juridique occidentale. Thank you. La deuxième remarque que je voudrais faire à propos de cette excursion dans la Comelo est d'ordre linguistique et elle éclaire la diversité des modes d'intrication des idées de loi et de droit. Dans le vocabulaire d'Europe continentale, qui est le nôtre, mais enfin celui des Allemands aussi, ou des Espagnols, ou des Italiens, la distinction romaine du « jus » et de la « lex » se retrouve dans celle que le français marque entre « droit » et « loi », ou l'allemand entre « recht » et « gesetzt ». « Gesetzt », ça veut dire « ce qui est posé », c'est du verbe « setzen ». Avec toutefois des déplacements de sens qu'il ne faut pas négliger. Le « droit », c'est un mot qui a été forgé à la période médiévale, à partir du latin « directum », et qui se distingue doublement du « jus » romain, tout d'abord par l'ajout de l'idée de rectitude et de direction. Le droit inscrit la vie humaine dans un temps orienté et lui prescrit une voie à suivre. Et il s'en distingue aussi par le fait que cette voie n'est plus seulement la voie procédurale qui permet d'actionner la loi, c'est-à-dire le droit individuel et subjectif, mais aussi la direction que s'assigne une société tout entière, c'est-à-dire le droit avec un grand droit, avec un D majuscule et pas minuscule. Ces deux versants minuscules et majuscules de la notion de droit sont, on le sait, étroitement liés. C'est parce qu'il est assujetti à un cadre normatif commun que l'individu peut agir comme sujet de droit et se réclamer de la loi. Et cette intrication de l'individuel et du social n'est pas propre au français et se retrouve dans toutes les langues de l'Europe continentale avec des mots comme « recht », « diritto », Derrero, je prononce peut-être très mal, excusez-moi, etc. Cette intrication interdit de penser l'individu indépendamment de la société dont il est le sujet, dans les deux sens du mot « sujet », c'est-à-dire tout à la fois sujet assujetti, sujet, ça vient du latin « subjectum », ce qui est jeté dessous, donc il est assujetti à la loi, mais aussi sujet parlant, sujet qui dit « je » tout le temps d'ailleurs, de plus en plus, « je cause ». Bon, alors ces deux choses sont totalement intriquées, car pour causer, il faut se soumettre à la loi de la langue. Hein. Donc ça, on va le retrouver dans la sémantique juridique de l'Europe continentale. Donc celui qui est, c'est parce qu'il est inscrit dans ce cadre collectif qu'il est titulaire de droits et de libertés. Et notez au passage que cet assujettissement de l'identité humaine à une appartenance collective se retrouve d'ailleurs dans la notion d'État. L'état civil des personnes a pour garant l'état avec une majuscule. Et l'état social a étendu cette garantie à ce qu'on peut appeler leur état professionnel. Donc on a ce jeu entre grand droit, grand état, petit état, la loi étant ce qui relie les uns et les autres. Eh bien, toutes ces articulations sémantiques ne se retrouvent pas dans la langue anglaise. Jus a bien donné « right », de même racine que « recht » ou « droit », mais sous le sens subjectif du droit individuel. Manque donc la notion continentale de « grand droit », celui qui porte et encadre les petits droits dans un ordre juridique. Alors, on serait tenté de traduire « droit » par « law », c'est ce que font ceux qui veulent absolument qu'on dise « le common law » et pas « la common law », parce qu'ils disent que c'est qu'une manière de respecter l'idée que c'est la traduction du mot « droit ». Mais ce mot d'origine nordique, « law », qui vient du vieux norrois « lag », ce qui est posé, fixé, qui est donc proche de « gesetzt » en allemand, ou de la « lex » romaine, combine en réalité nos idées de loi et de droit. D'où l'embarras extraordinaire des éditeurs anglais lorsqu'il a fallu traduire, par exemple, la « rechtsphilosophie » de Hegel, « philosophie du droit ». Alors, selon les éditions, certains ont opté pour « philosophy of law » et d'autres pour « philosophy of rights », qui ne veut à peu près rien dire pour une oreille anglaise, mais un ami anglais m'a dit comme ça, on voit tout de suite que Hegel est incompréhensible, ça évite de l'acheter. Bon. Derrière ces problèmes de traduction, ce qui se profile, c'est la loi de la langue. Le concept de common law est largement indépendant de celui d'État. Il se trouve du reste partagé par beaucoup d'entre eux. Autrement dit, il conserve une partie de la vocation universelle et de la charge impériale du jus civilis, qui est l'empire de la civilisation. Au contraire, la notion de droit majuscule que nous avons est liée à celle d'État et elle appelle un adjectif, qui en précise l'emprise territoriale. On va parler de droit allemand, de droit français, de droit belge. Alors que Rule of Law se suffit à lui-même, son pendant d'origine germanique, Rechtsstaat, postule la figure de l'État. C'est la raison pour laquelle la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, dans sa version française, a introduit la notion peu familière de régime de droit pour rendre cette universalité de rule of law. Lisons ça ensemble. Vous voyez que dans la version française, considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit, ça traduit « that human rights should be protected by the rule of law ». Mais là où la version anglaise mentionne « the rule of law », la française parle d'un régime de droit. Et l'article indéfini continue de trahir l'idée d'une inévitable pluralité des ordres juridiques, là où le « the » traduit celle d'une loi commune à tous les peuples de la Terre. Donc, je vous dis, il y a la charge impériale romaine qu'on retrouve dans le vocabulaire anglais et pas dans le vocabulaire juridique des pays européens. À partir de cet exemple, on comprend l'enjeu politique considérable que représente la question des langues de travail dans la recherche universitaire comme dans la rédaction des lois au niveau international. Travailler en une seule langue conduit nécessairement à un alignement sur la culture juridique que cette langue véhicule. Alors, c'est particulièrement vrai dans le cas du droit européen, où l'adoption progressive de l'anglais comme seule langue de travail est allée de pair avec l'abandon du projet d'une entité politique territorialement définie. J'ai eu l'occasion de l'écrire ailleurs. C'est dans ce creuset juridique apparaît pour la première fois la notion d'espace. Vous savez que l'Europe se définit comme espace de sécurité, de justice et de liberté, alors que l'espace, jusqu'à présent, dans le vocabulaire juridique, désignait la mer, les espaces interstellaires, le ciel, c'est-à-dire des lieux proprement inhabitables et sans limite. Et c'est en Europe que cette notion d'espace commence à désigner des espaces terrestres, introduisant ainsi dans l'ordre terrestre des modes de pensée qui auparavant concernaient le droit de la mer. Vous trouverez chez Carl Schmitt, dans le Nomos de la Terre, cette opposition classique entre la mer où tous les coups sont permis, si je puis dire, et la terre où il y a une répartition quand même, on essaie de maintenir la paix entre des ordres juridiques. Donc ce passage au vocabulaire qui était celui du droit maritime antérieurement, je le signale parce qu'il a à voir avec la notion de liquidité, le maritime bien sûr, de liquidation, de référence au nombre dans leur vocation universelle. Bon, mais ces différences réelles ne doivent pas faire perdre de vue que le droit continental et la common law sont deux rameaux d'une même tradition juridique occidentale, et c'est cette tradition que nous pouvons essayer de caractériser brièvement pour conclure ce chapitre. Donc j'en viens à cette conclusion. Comment peut-on définir le gouvernement par les lois dans la tradition juridique occidentale? La principale caractéristique de cette tradition est d'avoir institué le droit en système autonome. Et cette autonomie de la sphère juridique se manifeste aussi bien vis-à-vis de la sphère politique que de la sphère religieuse. Dans les autres civilisations du livre, l'interprétation des lois est nécessairement référée à un texte révélé qui confère à l'ordre juridique son fondement et sa légitimité. La révolution grégorienne, au contraire, a séparé le droit de la théologie et cette autonomisation de la sphère juridique s'est retrouvée dans les premiers états séculiers nés de cette révolution grégorienne. Dès lors, le droit s'est affirmé comme une technique placée entre les mains d'experts qui n'ont pas besoin de s'interroger sur les raisons de la loi. Il y a une formule du grand glossateur Accurs, qui vit en 1182-1260, donc un des pères de l'enseignement du droit en Europe, qui dit, alors on lui posait la question à Accurs, mais dis-nous Accurs, faut-il que les juristes s'instruisent de théologie? Et Accurs répond, non, on trouve tout dans le corps du droit. Donc c'est de dire, non, les facultés de droit, pas de théologie. Et ensuite, on va dire pas de sociologie, pas d'économie, pas de... Bon, on a accepté de garder l'histoire parmi les arts décoratifs. Mais globalement, dans leur grande majorité, les juristes sont restés fidèles à cette conception purement technicienne et autoréférentielle de leur savoir. Elle les conduit à considérer que la ratio légis, la raison des lois, n'est pas de leur ressort. Autrement dit, notre manière spontanée, la façon dont nous avons été formés comme juristes, nous porte à concevoir notre tâche comme celle d'honnêtes plombiers zingueurs, chargés de veiller à une tuyauterie compliquée, où circulent des créances et des dettes. Mais si on nous demande à quoi ça sert, on dit « allez voir », alors on disait « allez voir les théologiens », après les philosophes du XVIIIe siècle, après les sciences sociales, en commençant par « law and society », donc la sociologie, l'économie, la biologie, tout ce que vous voulez, nous n'avons rien à en dire ni à en penser. Et cependant, cette question de la raison et de la légitimité des lois, continue évidemment de se poser. À partir des temps modernes, et avec l'expansion du modèle des sciences de la nature, sur la science juridique, ce sont donc surtout les philosophes et les théologiens qui l'ont prise en charge. En terre catholique, il faut mentionner tout particulièrement l'école de Salamanque et l'œuvre de François Suarez, qui, après la contre-réforme, a élaboré une théorie générale des lois dans son traité des lois et du Dieu législateur. En terre protestante, c'est le Léviathan de Hobbes qui a procédé du même effort, consistant, selon, je prends une formule ici de Pierre Legendre, à poser l'art de gouverner comme un savoir sur la nature. Cet effort sera poursuivi par les philosophes des Lumières, au premier rang desquels Locke en Angleterre et en France Montesquieu et Rousseau. Et c'est encore dans cette tradition philosophique que l'on pourrait situer aujourd'hui la théorie de la justice de Rawls. Mais à partir du XIXe siècle, c'est plutôt du côté de la biologie et des sciences sociales naissantes qu'on a pensé pouvoir découvrir les fondements naturels du gouvernement. Surtout aujourd'hui du côté de l'économie, avec des approches au demeurant diverses sur lesquelles nous aurons à revenir. La doctrine « Law and Economics » tend à devenir le paradigme de la science juridique normale, au moins aux États-Unis, mais elle n'est pas sans opposants ou variantes. Je pense par exemple à l'ouvrage récent d'Amartya Sen sur l'idée de justice, où on a un autre regard économique, mais ce qui est frappant dans tous les cas, c'est que les juristes, eux, n'écrivent pas sur la justice, c'est le fait d'économistes ou de philosophes. En séparant le droit de la théologie, la révolution grégorienne a ainsi laissé la place libre à ce qu'on a pu appeler des théologies politiques ou des religions séculières, dont le trait commun est d'assujettir l'ordre juridique à la force normative de certaines idées. Je vous ai dit tout à l'heure qu'à la différence des autres civilisations du livre, la loi n'est plus référée chez nous à un texte sacré, mais elle va être référée à des idées. D'où cette caractéristique essentielle de la modernité occidentale qui consiste à ériger les idées en idoles, à prétendre façonner la société à leur image. On pourrait être tenté de faire remonter cette toute-puissance des idées à Platon. Et il ne fait pas de doute que le platonisme n'a cessé de hanter les sciences, à commencer par les mathématiques, qui sont la plupart des mathématiciens, sont des platoniciens qui s'ignorent ou qui se reconnaissent comme tels. Mais tandis que pour Platon, la contemplation de l'ordre cosmique visait à y insérer l'homme, les théories des modernes ont pour objet de façonner un ordre à l'image de leur représentation. Alors, la différence entre ce rapport de Platon aux idées et notre rapport contemporain, c'est la différence qui existe aussi entre la représentation grecque de la nature et la nôtre. Entre les deux, une rupture s'est opérée que Robert Lenoble est l'auteur d'un livre qui porte sur l'histoire de l'idée de nature, et voilà comment il décrit ce changement dans notre rapport à la nature. « Pour un chrétien, dit Lenoble, la nature n'est pas éternelle. » Le grec, lui, il est dans une nature éternelle. Dieu l'a jeté dans l'être quand il l'a voulu, et il l'escamotera au dernier jour comme un immense décor. Elle n'est pas le tout, mais une chose entre les mains de Dieu. Et l'homme s'habituera ainsi à se situer non plus dans la nature, mais devant elle, à concevoir sa destinée indépendante de l'histoire du monde. Machine entre les mains de Dieu, la nature, osera-t-il l'homme un jour déclarer, n'est en elle-même qu'une machine dont lui aussi pourra manier les leviers. Donc, il y a ici une observation qui me semble très importante, c'est-à-dire cette constitution de la nature comme un décor provisoire, qui constitue dans le même temps l'être humain comme un sujet placé devant, qui s'exempte, qui n'est plus dedans, comme pouvaient se le représenter les Grecs. Donc, vous voyez qu'aussi rétrograde que puissent nous paraître aujourd'hui les créationnistes, force est de reconnaître que c'est la croyance vétérotestamentaire dans la création qui nous sépare de la vision qu'avaient les Grecs de notre rapport à la nature. À l'instar de beaucoup de cultures non occidentales, ces derniers voyaient dans la nature une donnée éternelle, livrée à un temps cyclique et non pas linéaire. Donc c'était un objet de contemplation religieuse et non pas une ressource économique. En revanche, pour les modernes, la connaissance de la nature est avant tout un moyen de s'en rendre maître. Et la croyance en une nature créée par Dieu a amené avec elle la dichotomie sujet-objet si prégnante dans notre représentation scientifique du monde, puisque c'est même cette dichotomie qui a permis l'essor de la science moderne. De là procède, si vous voulez, le monde physique sort de l'entendement divin et se conforme à ses plans. C'est à partir de cette idée que procède le projet cartésien de se rendre maître et possesseur de la nature et de modeler le monde à notre image en usant à notre profit des lois que Dieu y a inscrites. Alors ce basculement de la science du registre de la contemplation du monde à celui de sa transformation a eu pour corollaire un changement de statut de la technique. Parmi les techniques, j'entends la technique juridique. Comme l'a montré Vernon, la technique n'a jamais dépassé les Grecs, écrit-il, le stade d'un système de recettes traditionnelles et d'habiletés pratiques. Au contraire, elle va devenir, à partir du XVIIe siècle, l'instrument de mise en œuvre de la science en même temps que sa première raison d'être. Et nous l'avons vu chez Hobbes, la même mutation s'opère à la même époque dans l'ordre juridique. Le droit est conçu dès lors comme une technique, une vaste machinerie, dont les juristes sont, dit-il, je vous rappelle, pour les assidus, ce que nous avons lu chez Hobbes, que sont les juristes chez Hobbes ? Des jointures artificielles. Nous dirions plutôt aujourd'hui les techniciens ou les agents d'entretien de cette machine. Et cette technique, tout à la fois, met en œuvre et met à l'épreuve les idées autour desquelles est censée s'ordonner la marche du monde. Et c'est pourquoi, tout ce long détour, pour justifier que ces idées fonctionnent dès lors comme des idoles, des images auxquelles on prête la puissance de la divinité qu'elles représentent. Le roi, la nation, la patrie, la race, la classe, le gène, le marché, la globalisation sont autant d'exemples de ces mots fétiches censés tout à la fois nous dévoiler un ordre de la nature et nous permettent de la mettre à notre service. Dès lors, les lois positives doivent être accordées à ce que ces idées nous révèlent. J'espère que vous suivez, ça va. Bon. Alors, ça serait succomber à notre tour à l'idolâtrie des idées que d'y voir autant de manifestations équivalentes d'une idée d'idées et de les mettre toutes dans un même sac qu'on pourrait étiqueter théologie politique ou dogmatique. Toutes ces idées ont bien sûr en commun de servir à enraciner l'ordre humain dans un ordre naturel. Mais leur diversité même suffirait à montrer que l'idée de nature est elle-même susceptible d'abriter tout et son contraire. Les lois de la nature d'Aristote ou de Cicéron ne sont évidemment pas celles de Caliclès ou du Marquis de Sade. Du point de vue du rapport à la loi, qui nous occupe ici. Il faut donc distinguer parmi ces différentes idées, alors ce point est important, distinguer parmi ces différentes idées selon qu'elles sont ou non compatibles avec l'existence d'un ordre juridique autonome. Et l'un des traits caractéristiques des expériences totalitaires du XXe siècle est justement d'avoir reposé sur des idéologies scientistes qui ne reconnaissaient aucune place à cette autonomie. Dès lors que l'on pense avoir trouvé dans la science la réponse à la question du sens de la vie humaine, dans cette double acception du mot sens, de signification et de direction, la loi se trouve réduite à une pure technique de pouvoir et rien ne justifie plus qu'on reconnaisse son autonomie. Ces expériences sont là pour nous rappeler que l'autonomie de la forme juridique et le gouvernement par les lois n'ont rien d'intemporel et ont déjà subi de sévères attaques en Occident même. Alors, pour conclure, je vais utiliser un auteur que je cite beaucoup parce que c'est un auteur important, Harold Berman, qui a établi une liste, selon lui, de 10 critères permettant d'identifier cette tradition juridique occidentale. Cette liste me semble pouvoir être ramenée à 6 critères. Premièrement, la distinction nette entre les institutions juridiques et les autres types d'institutions. Deuxièmement, l'administration de ces institutions par un corps de professionnels spécialement formés dans une branche distincte de l'enseignement supérieur. Le droit inclut donc non seulement ses sources primaires, mais aussi une science juridique qui se présente comme une méta-légalité et au moyen desquelles il peut être aussi bien analysé qu'évalué. Donc il n'y a pas une théorie du droit qui serait extérieure au droit. La théorie du droit, elle fait partie du droit. Voilà. Troisièmement, un principe de cohérence en vertu duquel le droit est appréhendé comme un corps de règles formant un tout solidaire. Ce sont les juristes des XIIe, XIIIe siècles qui furent les premiers à employer l'expression « corpus juris romani » pour désigner le droit romain. Donc, cette métaphore organique du droit comme corps complet, constitué. Quatrièmement, le caractère évolutif du droit qui s'inscrit dans un temps linéaire, orienté par l'idée de progrès. Cette évolution n'est pas seulement due à des facteurs exogènes, mais aussi à une logique interne du corps du droit qui doit se transformer pour perdurer. Alors, ce point est assez essentiel parce que, avec notre droit moderne, c'est une certaine idée de la temporalité. On n'est plus dans un temps cyclique. Cinquièmement, la suprématie du droit sur la politique. Ça vous repensez au texte de Bracton que nous avons vu tout à l'heure. Le souverain peut faire la loi, mais il ne peut la faire arbitrairement. Et tant qu'il ne l'a pas formellement refaite, il doit s'y conformer. Et enfin, sixièmement, le droit est lieu de tension entre idéaux et réalité, évolution et continuité, transcendance et immanence, et cette tension conduit régulièrement à ce que Berman appelle des révolutions, qui, à la manière des révolutions scientifiques, voient un système légal être renversé au profit d'un autre. Voilà ces 6 caractéristiques, et elles suffisent à rendre compte des notions de ce qui a pu être appelé, selon les pays, « rule of law »,« république »,« Rechtsstaat », et que j'englobe ici sous la notion générique de gouvernement par les lois. Ce sont en effet les révolutions américaines et françaises, à la fin du XVIIIe siècle, qui ont donné à ce droit son visage moderne, en installant le peuple ou la nation à la place du souverain législateur qui ne meurt jamais et accompagne ainsi la succession des générations. Alors, nous allons voir dans un texte juridique qui fait partie de notre bloc de constitutionnalité comment à peu près tout ce que j'ai essayé de vous raconter depuis le début sur la notion de gouvernement par les lois et se présente et mis en scène, ramassé avec ce style très talentueux des rédacteurs de cette déclaration. Alors, cette déclaration commence par poser le principe de cette souveraineté. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Vous voyez le lien direct, si je puis dire, avec les dictatus papae que nous avons cités tout à l'heure. La souveraineté. Ensuite, à partir de là, on fonde un ordre juridique sur l'idée de droit naturel dont la loi encadre l'exercice. Ce texte est célébrissime, mais c'est ce qui est magnifique dans les textes célébrissimes, c'est qu'on peut les relire indéfiniment, comme on peut revoir indéfiniment les enfants du paradis. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Vous voyez ici, ce qui fonde, ce n'est pas la loi, ce sont les droits naturels. La loi vient pour les encadrer. Mais la loi est elle-même encadrée dans un régime de droit. Nous avons vu que c'est ce sceau qu'on a examiné quand on a eu le passage de la Grèce à Rome. Et ça, on va le trouver à l'article 5. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut pas être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. Donc elle est encadrée dans un régime de droit selon cette tradition romaniste d'incorporation de la lex au ius. Et enfin, cette loi doit remplir une fonction isonomique de garante de l'égalité des citoyens. Elle est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. Je ne sais pas ce que ça vous fait quand vous lisez ça, mais moi je suis toujours ému, ce qui prouve que la force dogmatique de ces textes n'est pas entièrement disparue. C'est-à-dire que ce sont des textes dans lesquels nous voudrions encore croire. Je dis ça à minima. Alors, ce panorama des sens de la loi dans la tradition occidentale n'est évidemment pas complet, mais il me faudrait toute l'année pour qu'il le soit. C'est pourquoi je me suis borné à ce qui me paraissait nécessaire pour mesurer l'écart entre gouvernement par les lois et, ce que nous verrons ensuite, la gouvernance par les nombres. Je vous remercie de votre attention. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Alain Supiot, l'essence de la loi dans la tradition juridique occidentale, la révolution grégorienne, le 12 janvier 2013. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion. Alain Supiot a publié sa leçon inaugurale « Grandeur et misère de l'État social chez Fayard » en 2013. Son cours sur la gouvernance des nombres a été publié chez le même éditeur en 2015. Un grand merci à Alice Signoret de la Bibliothèque de Radio France. Réalisation Milena Elic, mixage Bernard Laniel, présentation Meryl Moneghetti. Demain, autre point de vue sur la loi, ritualisme et légalisme, Alain Supiot nous entraîne un peu en Afrique et surtout en Chine. Belle journée à l'écoute de France Culture.